ce gars bizarre, à la bise, t'es le blizzard. Vive, c'est dans les d'Ibiza, dans les des bizarres. J'suis comme qui la bise, j'suis la zizanie. J'te veux si tu me veux comme la ziza mécanique. T'es pas, quand y'a danse, j'arrive. Avec un sourire d'ange, j'ai la flamme, j'ravive. J'ai des ravages, j'ai des ravis, en vis-à-vis. J'ai la rage, vice, j'rentre dans le beat sans visa. Vive, la révolution vive. On veut nous faire croire que fuir est la meilleure esquive. Mec, ski, fait un homme, c'est la couleur. J'ai les écervelés, drôle, mesquinerie entre les hommes. Gifle avant de siffler. Final, mec, la haine, on y nage. Et au racisme, on ne s'y fait. D'après un bac de bière sifflée, mouf, j'suis venu moucher. J'suis putain de plaque qui fait mousse. Les suffrages donnent. La mal donne dans les villes et dom-dom. Trop d'hommes dorment. En somme, que tu sois d'Islamabad ou Kin. Inadmissible comme mort des coups de batte de skin. T'as vu mon visage, ouais. Je me fous mal dans le paysage, mais je me bagarre. Au quotidien, j'évite la bagarre. J'espère partir avec un bagage. Loin d'ici, près de ceux que j'aime. Le chant du cygne sonne mon ascension pour les cieux. Et j'aime vivre en oubliant les couleurs, les rancœurs. Trop de douleur, appelé brave, au bas mot du terme. Du monde, je suis ni esclave, ni son subalterne. Le baptême des morts, mollé à la flamme du FN, me rappelle que certains hommes sont horribles. Porteur d'aucun drap, puis que dans le beau drap, ils veulent ma peau me voir mort sur leur croix d'armée qui porte. Que on va leur ouvrir la porte, toujours prêt à mort, comme un chien lorsqu'on lui tire la queue. Porteur d'aucun drap, puis que dans le beau drap, ils veulent ma peau me voir mort sur leur croix d'armée qui porte. Que on va leur ouvrir la porte. Toujours prêt à mort, comme un chien lorsqu'on lui tire la queue. Non vétusté de ma race, en Occident, barrasse. Je suis aussi dans la merde que mes frères sont dans le marasme. Dans ce cas-là, je tire, viens mon calage pour dire qu'on n'est pas là, je me tire ou je m'arrache, j'en tire. Et dans la marche ou dans la marge, on me marre. J'analyse car tous balisent de mes racines. J'en déloue mon coup, écoute ça, c'est ma plaque, la claque, l'attaque de mes plaques. Fond des cunilingus au travelo. Zama elle crie aux anapris. Après m'appelle Oussama, je crie. Zéro estime pour les skins et les sadomaso. Dans ma zone y'a que des hommes et c'est un zoo. J'vire et j'sais même pas où. Noir et porte malheur à la longue queue. Mais qu'une vie et fait pas miaou. Puis à ceux de Yasser et de Netanyahou. Moi j'fais la guerre, les vrais savent à quoi ça sert. Porteur d'aucun drap, oui que dans le beau drap. Ils veulent ma peau me voir mort sur leur croix d'armée qui porte. On va leur ouvrir la porte. Toujours prêt à mort, comme un chien lorsqu'on lui tire la queue. Moi j'pratique rap non sympathique, artistique, rude, dramatique. Vu les échecs et mathématiques, sur notre existence, si pas je suis qu'un putain négro. Maintenant la résistance, tant que les peuples trop inégaux. Gros, ici c'est Goliath contre David. Porte-moi la première pierre, je me lève face à Jean-Marie, je marie. La musique et le verre pour exprimer ma déprime. Je suis pas né génie en nerveux, au boulot j'ai pas de prime. C'est la brume, quand le racisme frappe. Ma mère a la peau brune, donc le nazi frappe-toi. Cap mon message, notre avenir est en jeu. Je suis poète de la rue, turbulent mais pas dangereux. Je parle au nom du peuple, donc on honte l'avenir. L'avenir reste à venir, donc on s'attend pire. En voyant des non-croyances, croyant, voyant. Le peuple attend à dire, frérot. Prenez garde, frère. Ma boucade, bougnoul, mettez que bamboula. Ton entourage, tu es là. Et nous, on fout la merde, rien à perdre ce coup-là. Pas de secours, la haine dans les yeux. Et nous, on fourre la fée. Esclave affranchi, voudrait blanchir mon amour. Si elle oublie que je suis pas chez moi, là-bas ou ici, en patrie. Perdu dans l'Occident, perdu pour l'Occident. Fais appel à l'omniscient, réponds à l'extrême. De façon extrême, envoie mes excréments au visage de la droite extrême. Extrême, extrême ferme, c'est pour la street même. C'est de l'insécurité, c'est de l'inégalité même. Front contre front qui fait du mal à l'autre. La haine est mutuelle, donc à qui la faute? Est-ce que le rap peut arrêter les fachos? Est-ce que la faucille peut briser le marteau?